qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. 10e et dernier épisode, l'exécution. Avec Stéphane Valency, Nicky Marbeau et Daniel Kralenstein. C'est la veille du 31e anniversaire de Joseph K. À 9h du soir, exactement un an jour pour jour après son arrestation. C'est une plaisanterie. Plaisanterie ? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non ? Quelqu'un m'a dit que c'était un comble de se réveiller le matin et de retrouver tout exactement à la même place que vous l'avez laissé la veille au coucher. Mais durant le sommeil et pendant les rêves, l'état d'esprit de la veille s'est bien transformé. Donc, pour arriver à tout saisir, au moment d'ouvrir les yeux et se retrouver dans le même état que la veille au coucher, il faut une vivacité d'esprit quasi infinie. Pour cette raison, le réveil est l'instant le plus dangereux de la journée. Si on arrive à le surmonter, sans être arraché et éloigné de sa place, on est bien tranquille pour la suite de la journée. Qui êtes-vous ? Vous avez sonné. Qu'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure. Il veut qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'est impossible. Impossible. Impossible. Impossible. C'est impossible. Impossible. K, chez lui dans la pension de Madame Grobard, reste dans l'obscurité à réfléchir. Devant la maison, un soldat marche comme une sentinelle. Joseph, il te traque. Je dois m'en aller, Lenny. Oui, je sais. Il me traque. Donc, il y a une sentinelle devant la maison. Est-ce qu'elle m'est destinée ? Le soldat marche près du mur. K se penche sur le bord de la fenêtre pour mieux voir. Tout d'un coup, une voix de femme. Donc, un rendez-vous. Salut ! C'est une bonne qui apporte de la bière à son amant soldat. Rien à voir avec Joseph K. Figurez-vous que c'est de votre bonheur qu'il s'agit, monsieur K. Mon bonheur ? Oui, ce n'est pas bien grave. Vous êtes arrêté, c'est sûr. Mais pas comme un cambrioleur est arrêté. Un cambrioleur arrêté, c'est très grave. Mais dans votre affaire... Dans mon affaire... Dans son demi-sommeil, les pensionnaires de Madame Grobard lui apparaissent. Ils forment un groupe serré, tête contre tête, les gueules ouvertes comme pour former un cœur d'accusation. Il y a pour K beaucoup d'inconnus. Cela fait longtemps qu'il ne s'occupe plus de la vie à la pension. La présence de ces inconnus le met mal à l'aise. Monsieur Désir ? Sortir. Vous êtes blême ? Venez vous asseoir. Sortir. Vous avez le vertige ? Ce n'est rien. Tout le monde est pris de vertige ici la première fois. Le soleil chauffe la charpente et le toit devient brûlant. Ce n'est guère un endroit pour des bureaux. L'air du tribunal est vicié, à peine respirable. De plus, les locataires y étendent leur linge. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas étonnant que vous ayez un malaise. Dans son demi-sommeil, devant la fenêtre ouverte de la pension, au soir de son 31e anniversaire, K s'imagine au tribunal. Joseph K, vous devrez vous présenter au bureau du tribunal. Quand ça ? Tout de suite et sans faute. Maintenant ? Cela ne me convient pas. Je vous conseille très fortement de vous présenter et de bien vous garder de toute forme de désobéissance. Déjà, vous avez fait des remarques sur l'inefficacité des interrogatoires, qu'ils n'aboutissaient à aucun résultat, que vous alliez désormais refuser toute convocation par téléphone ou par écrit, que vous alliez fermer la porte au nez des messagers. Mais maintenant, il est le seul accusé. Tous les autres se comportent comme des fonctionnaires, dans les galeries du tribunal, la tête penchée sur la poitrine, les lèvres remontées, le regard dur pour faire de la réflexion grave. Maintenant, il traverse le tribunal à grands pas, dans tous les sens. Il connaît toutes les pièces, même les couloirs obscurs, où pourtant il n'a jamais mis les pieds, lui sont tout à coup familiers, comme s'il y habitait, et depuis toujours. Comment ça rentre ici, s'il vous plaît ? Par ici ! La porte pour les urgences, pour éviter les fils. Il faut monter sur le lit. Je vous ouvre. Mais, quelque chose vous étonne ? Vous connaissez cet endroit ? Ce sont les bureaux du tribunal. Il y a des bureaux du tribunal dans tous les greniers. Pourquoi pas ici ? Mon atelier aussi fait partie des bureaux. Le tribunal l'a mis à ma disposition. Ce que K préfère, dans son demi-sommeil, plein de rêves, c'est de penser à... Titorelli, artiste. Titorelli, le peintre, devenu un intime, remplaçant l'avocat Huld. Titorelli, de qui K peut encore accepter de l'aide. Quel genre d'acquittement désirez-vous ? Quel genre ? Vous avez le choix entre l'acquittement réel, l'acquittement apparent et la prorogation. Le meilleur serait l'acquittement réel. L'acquittement réel ! Je voudrais bien sûr un acquittement réel. Il n'existe pas. L'acquittement réel n'existe pas. Dans son demi-sommeil, K voit Titorelli assis dans un fauteuil, et lui, K, à genoux devant lui. Il lui caresse les bras et le flatte. K porte une longue robe sombre, chaude et lourde. Titorelli sait bien ce que K désire, mais il fait semblant de ne pas comprendre pour le tracasser. K s'obstine. Il commence à caresser les joues du peintre. Et enfin, Titorelli se penche vers K, ferme ses yeux, prêt à répondre à son désir. Il saisit K par la main et l'entraîne jusqu'au tribunal, où il se précipite dans les escaliers, qu'il monte et dévale sans effort, léger comme deux petits bateaux sur l'eau. Longe le mur et tu y arriveras. Attends! Tout à l'heure, tu étais si gentil avec moi. Et maintenant, tu es aussi méchant que tous les autres. Tu sais bien qui je suis. L'aumônier de la prison. Qui appartient au tribunal. Et tu ne veux plus rien de moi ? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi ? Le tribunal ne veut rien de toi. Il t'accueille quand tu arrives. Et te laisse partir quand tu t'en vas. Le tribunal t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. K croit enfin comprendre les gens du tribunal. Il croit pouvoir jouer avec eux et être même l'un d'eux. Il y a là une dernière possibilité d'être sauvé. Il faudra changer de tactique. S'ils n'ont pas pu l'aider pour son procès, peut-être que maintenant ils vont le cacher quelque part. Excusez-nous. Regardez ces deux-là. Gras et blême, en haute forme et smoking. Alors vous arrivez sans me prévenir. En tout cas, je suis prêt, comme vous voyez. Je vous attends depuis longtemps, même si ce soir j'attendais un autre genre de visite. Alors c'est vous qu'on m'assigne ? Vous jouez dans quelle pièce de théâtre ? Théâtre ? Il m'envoie de vieux acteurs de second rôle. Même en phase terminale, des fonctionnaires subalternes. On veut se débarrasser de moi à très bon marché, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'habitude d'être ainsi interpellé, je vois. Donc, j'enfile le chapeau noir. Même Les gants noirs pour l'occasion. Comme le costume. Et comme vous. Tout en noir. C'est pas beau, ça? Non. Laissez-moi le chemin libre. Attendez d'être dehors. Je ne suis pas malade, quand même. Une fois dehors, les deux inconnus collent leurs épaules à celles de K et glissent leurs bras sous les siens. De façon bien délibérée, ils attrapent, chacun de leur côté, ses mains. Ils composent maintenant une unité, K au milieu, mais c'est comme si cette unité était faite de matière sans vie. Malgré sa situation, K essaie de regarder de plus près ses nouveaux compagnons sous les réverbères. Vous ne seriez pas ténor à l'opéra ? Leur visage tout propre le révolte. K imagine bien la main qui les nettoie, qui essuie les lèvres, qui gratte le menton. Pourquoi justement vous deux ? Expliquez-moi. Avancez. Non, je ne bouge pas tant que vous ne m'aurez pas répondu. Tout à l'heure, je n'aurais plus besoin de mes forces, donc maintenant je vous fais marcher à plein régime. Comme des mouches qui peinent à se libérer du papier du mouche et qui s'arrachent les pattes. Pour vous faire trimer dur, messieurs. Mais c'est Mademoiselle Bürstner, n'est-ce pas? Suivons-la, vite! Vous semblez avoir de l'expérience en matière de justice. La justice me fascine. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Et si c'était vraiment elle? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour lui? Qu'est-ce qu'il cherche, Joseph K, en cette soirée de son 31e anniversaire, en changeant de direction, en menant les deux inconnus où il veut, en suivant cette femme dans la rue? Montrer sa résistance à ces deux messieurs? Ridicule. Il n'y a rien d'héroïque à les embêter. Juste goûter une dernière affirmation de vie en cette soirée de son 31e anniversaire. Le plus important maintenant est de garder l'esprit clair, d'oublier toutes ces femmes. Je ne l'aime pas, votre bien-aimée. Regardez comme elle est moche, grossière, lardée dans son corset. Une grosse fille comme ça peut être bien gentillette. Mais serait-elle prête à se sacrifier pour vous? Non. Elle n'est ni charmante ni agréable et elle ne se sacrifierait pas pour moi. Alors, elle ne vous manquerait pas si vous la perdiez. Dans ce cas, il vous faut l'échanger contre quelqu'un d'autre, comme moi. Comme vous. Mais elle a un avantage sur vous. Elle ne sait rien de mon procès et ne me conseillerait pas d'avouer, comme vous. Et de faire face à tout ce qui m'arrive avec intelligence. Je voudrais toujours m'agripper au monde, comme si j'avais une vingtaine de mains. Erreur. Est-ce que je veux que l'on dise de moi? Au début du procès, il voulait en finir vite. Et maintenant, à son terme, il veut tout recommencer. Cette longue année de procès ne lui aura donc rien appris. Veut-il vraiment finir comme une bête? Non, comme un homme qui réfléchit. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Car le fait qu'on vous ait choisi, vous, à moitié muet et sans un brin d'intelligence, pour partager mon chemin, m'oblige à dire moi-même les choses nécessaires. La jeune femme devant eux, Mademoiselle Bürstner ou pas Mademoiselle Bürstner, a disparu. Les deux messieurs sont pleins de bonne volonté. Il s'apprête à faire tous les gestes que K souhaite faire. S'il veut tourner un peu d'un côté, il tourne avec lui. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête. Allons-y. On passe par des rues où se trouvent des agents de police. Là-bas, il y en a un avec une grande moustache, la main sur son sabre. Il s'approche de notre unité, qui doit certainement lui sembler suspecte. Regardez, messieurs, l'État vient à mon aide. Peut-être que bientôt je serai obligé de vous défendre contre l'État. Une carrière de pierre abandonnée. Est-ce que c'était le but dès le départ? Ou est-ce qu'on s'est arrêté là par fatigue? Car à temps, silencieux, pendant que les pauvres messieurs, épuisés, enlèvent leur haut de forme et s'essuient le front. Au clair de la lune. Un des deux inconnus commence à déshabiller K, puis il plie les vêtements avec énormément de soin, comme s'ils allaient être réutilisés à un moment indéfini. Qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de nuit ? Il vaut mieux nous confier vos affaires que de les laisser au dépôt. Au dépôt, il y a des fraudes. Et au bout d'un certain temps, on y revend tout, même en cours de procédure. Et des procès comme le vôtre n'en finissent pas, surtout en ces temps. Donc, un des messieurs lui frotte le dos. Ça fait chauffer un petit peu. Allez, allez. Hmm, voilà. Il faut pas rester comme ça. Puis, le fait courir pour le réchauffer, toujours avec un maximum de politesse. Et pendant ce temps, l'autre monsieur cherche un endroit convenable. Ça y est, il l'a trouvé. Il s'agit d'un coin un peu à l'écart dans la carrière. Là, on installe un billot de pierre. Ensuite, ils font asseoir K. Et il place sa tête contre. Pas confortable. Couché. Allez, couché. La nouvelle position, plutôt couché, n'est pas beaucoup mieux. Malgré leur bonne volonté, K a du mal à les aider dans leur travail. Son attitude reste un peu forcée. C'est un long couteau de boucher à deux tranchants. L'un des deux bourreaux vérifie l'affûtage, puis le passe à son compère par-dessus la tête de K. C'est à vous, je crois. Ils font cela deux ou trois fois. Enfin, oh, je vous en prie, qui va le faire? J'ai souvent imaginé qu'un tel couteau de charcutier me taillait le crâne avec un rythme rapide et mécanique, détachant de si fines tranches qu'elles s'enroulaient sur elles-mêmes. Tiens. Quoique bien... Ou bien, je me retrouvais allongé par terre et on me découpait en tranches de rôti. Dans un coin, il y avait un chien vers lequel je poussais lentement ces morceaux de viande. À ce moment, K pense que c'est de son devoir de saisir le couteau et de se l'enfoncer. Mais je ne le ferai pas. Parce qu'il ne peut pas dispenser les autorités de faire leur travail. Ces mêmes autorités lui ont ôté la force nécessaire pour le faire. Un des bourreaux bloque la tête de K pendant que l'autre tient le couteau au-dessus de sa poitrine. Soudain, dans la pénombre, des volets s'ouvrent, quelqu'un se penche à une fenêtre, les bras tendus. Qui est-ce? Quelqu'un qui veut m'aider? Y a-t-il encore une issue? Où est le juge qu'il n'a jamais vu? Où est ce haut tribunal dont tout le monde parle et que K n'a jamais trouvé? C'est d'une logique inébranlable, mais qui pourrait se briser pour un homme qui a envie de vivre. Je lève mes mains, écarte mes doigts. Et un des bourreaux plonge le couteau dans la poitrine de Joseph K. Et le tourne lentement. Dans sa vision en train de s'éteindre, K voit, près de son visage, joue contre joue, les deux messieurs constater l'exécution du verdict. Comme un chien. C'était comme si sa honte allait lui survivre. C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. 10e et dernier épisode, l'exécution. Avec Stéphane Valency, K, Nicky Marbeau et Daniel Krellenstein, les bourreaux. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.